Happy birthday to you. Ah bah, j'allais continuer, ma merde. Ah oui, allez-y, bah allez-y, chantez, je donne le tempo. Happy birthday to you. On dirait quand Happy en repas de famille, on oblige le petit à chanter quoi devant tout le monde dans un repas de famille, à chanter sa chanson qu'il a appris au solfège. Happy birthday. Moi, c'était pendant ça. Pendant que le grand-père met sa main dans c'était son froc. C'était ça avec... C'est les un an. C'est les un an. C'est les un an de quoi? C'est les un an de FDLS rue de la station. Putain. Et c'est aussi l'émission 10, donc c'est les chiffres voilà. Ronds. Voilà, ronds, c'est ronds. Ça. Donc on a failli ronds faire. Comme une... du rondelet. Voilà, rond à faire rondement mené. On a failli faire une saison 2 du coup, mais on s'est dit non, c'est trop prétentieux. Du coup, ça sera saison 1, épisode 10. Mais ce sera même jusqu'à ce qu'on soit très âgé. Saison 1, épisode 100, à la maison de retraite, on demandera... Oh. Ouais, là on pourra se faire caca quand nos petits-enfants ne voudront plus de nous et qu'ils nous auront mis... Bah voilà, qu'ils nous auront abandonnés comme des vieilles chaussettes dans un coin là avec un repas surgelé tous les midis et tous les soirs. Et les bruits de poche et d'anus artificiels ont remplacé les bruits de verre. Et ça, je peux vous dire que ça va pas être... Ça va pas être jojo, vous avez l'œil très trouble, Jean-Bien. Mais oui, non mais c'est en fait... Alors soit vous avez conjonctivite, deux conjonctivites du coup, deux pareils. J'ai beaucoup rigolé juste avant qu'on commence et je pleure un petit peu là. Mais je suis aveuglé, il y a du soleil. Pourquoi parce que du soleil, je vous ai rire. Vous m'avez fait rire. On dira aux auditeurs à la fin de l'édition pourquoi vous m'avez fait rire. Jean-Bien qui rit. Jean-Bien qui est beau. Quoi. Moitié. Oui. Alors, vous êtes très beau aujourd'hui, Jean-Bien. C'est vrai? Non, c'est... Non, c'est pas vrai. Allez, on continue. Dites-moi, vous avez prévu quoi pour cette année? Pour cette année, c'est-à-dire C'est un an, pardon. Cet anniversaire. Ça commence très bien. Cet anniversaire. Pour cet anniversaire. Ouais. On a prévu plein de trucs. Moi, je voulais déjà qu'on revienne un petit peu sur notre parcours. J'ai envie de dire. Non. Quoi? Ah non, pas de nostalgie, pas au bout de 10 émissions. On revient pas sur le parcours. Si vous continuez à me demander quelle était mon émission préférée et tout ça, je vous dis tout de suite. Non, mais c'est non. Ah, bon, alors attends, celle-là, je l'enlève. Enlevez 3 pages de votre. Est-ce que vous avez préparé? Il y en avait 3. Ah bon, bah voilà. Bon, bah terminé. Bah, allez, bonsoir. À la semaine prochaine. Ça, c'est très drôle. Oui, non. Hein? Et bah si moi je reviendrai là-dessus quand même, je vous poserai la question, après vous serez pas obligé d'y répondre. Bah, posez-moi la question, allons-y, commençons. Très vous bien. Avez fait quoi de beau depuis la dernière fois? On s'est pas vu beaucoup. Puis la dernière fois, c'est vrai que ça fait quelques temps déjà. J'ai l'émission 9, qu'est-ce que j'ai sorti fait il y a 3 jours. C'est vrai ça. Mais franc succès, hein. France succès, elle a atteint les 400 écoutes et on vous remercie tous. Ouais, vraiment chaleureusement, c'est un vrai petit. Allez voir, cliquez sur play, vous verrez, il y a vraiment 400 écoutes. Hein. technique de gitan, patate de forain, comme on dit. Bien ça. Et alors, qu'est-ce que c'est la fête à Neneu en ce moment? Vous avez été à la fête à Neneu? C'est quoi la fête à Neneu? Bah, c'est une fête foraine, au bois de Boulogne. Non, ok, je savais pas. Vous avez pas les fêtes foraines? Bah, je vous avez pas les forains? Non, mais c'est pas ça, ça coûte cher, je trouve, les fêtes foraines. Bah, ça coûte cher, on a quand même des sacrés lots. Hein. Bah. Mais comme quoi par exemple? Bah, on peut avoir des peluches. Des peluches? Et puis même, ça va, 5 euros la barbe à papa, c'est pas non plus. Ça va. Non, après, moi j'aime. Ah si, j'ai été du coup il y a quelques temps à la fête de l'humanité. J'en ai parlé sur notre Twitter. Certains, voilà. Attends, j'en peux plus de vous, quoi. Bref, j'ai été dans un manège du coup. C'était 6 euros le manège, ça va. Mais oui, mais c'est pour la bonne cause. C'était pour un manège quoi. Ah oui, c'est pas tout est pas un peu pour l'Huma. Ouais. Bon, pour essayer pas, de continuer à imprimer ce torche-cul que personne ne lit quoi. Arrêtez, c'est un très bon magazine avec des très bons dessins. Non, mais en plus j'aime beaucoup l'humanité. Ouais, non mais si, mais ouais. dans ce cas-là, dans toutes ces Et toutes vous avez fait quoi? Hein? Vous avez fait quoi? Moi, arrêtez de jouer avec cette boîte. Moi, j'étais en vacances. Ouais. J'ai voyagé un petit peu dans les Balkans. C'est vrai, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai une chronique. Vous avez une chronique sur vos vacances? Ouais. C'est pas un peu prétentieux ça? Bah, en fait, j'ai chopé une sacrée maladie. Du coup, croyez-moi que niveau prétention, on va redescendre de 2-3 étages. Quoi. D'un cran. Ouais. Ok, d'accord, très bien. C'était quoi votre meilleur souvenir durant un enregistrement de Fruits de la Station? Mon meilleur souvenir durant. Bon, je vais quand même y répondre parce que je me dis que voilà, il faut faire les choses bien. Ah, oui. Mon meilleur souvenir, c'est quand vous êtes tombé de votre chaise. Jamais tombé de ma chaise. Ah bah c'était pas vous, c'était un autre podcast que je fais avec quelqu'un d'autre alors. Désolé, j'ai aucun bon souvenir en fait. C'est très compliqué. Votre pire souvenir. Si, le souvenir c'est. Vous avez le popper. Le popper c'est un des souvenirs les plus curieux que. Ah oui, c'était très spécial. Émission 2, ouais. Votre pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est... J'en ai tellement. Mais je dirais le montage de l'émission 5 en effet, lorsqu'on a été 5. À Nantes avec Richie Booz. Avec Eugène Balek et Jean-Bierre Bernot. C'est qui? C'est pour votre podcast. Donc voilà, ok, d'accord, très bien. Bon bah c'est pourquoi pas hein. Et votre meilleur souvenir en général dans ma vie durant cette année? Ah, durant cette année, bah, c'est, je pense, quand Marine Le Pen était au second tour. Quoi. On peut parler franchement, on peut pas parler franchement ici ou quoi. C'est avec un accent belge, bravo. C'est impressionnant. On est censuré ou quoi? Tu veux que je me torche avec ma Bible ou quoi, ça, ça lipi là. Vous le faites très bien. Et ça veut dire quoi ça? Voyez-vous, il a une certaine expression. Avec sa bière à la main, avec sa petite canette de 8-6 à la main. Là. Non. Frais comme un gardon, fumé c'est... comme un saumon. Orelsan, si tu nous entends. Ouais, fais un bon album. Big up. Alors. Ouais. Vous savez qu'en général, on parle de cinéma. C'est vrai, on peut faire ça. Bah déjà, qu'est-ce que vous avez prévu, vous, pour... Bah, moi, j'avais prévu non pas de parler d'un film qui venait de sortir, parce que je crois que là, de mémoire, le dernier film que j'ai été voir, c'était vraiment pas terrible. Les Bronzés 3. C'était Nos années folles d'André Téchiné, mais c'était un peu chiant. Donc, pourquoi pas parler du film qui nous a le plus marqué cette année? Ok, ça marche, ouais, un peu. En fait, je dis ça comme si c'était... comme si c'était question d'improviser ça tout de suite. Tout à fait prévu. Nous ne sommes pas que dans l'impro, bien évidemment. C'est tout à fait prévu. Allez-y, commencez. Moi, j'ai un peu envie de vous... Vous écoutez ce que vous avez à dire, le film là, de l'année qui vous d'accord. a marqué. Là. Alors, l'année 2017, hein, si c'est sorti en décembre 2016, on le refuse. C'est vrai. Le film avec Tom Hanks. Quoi, le film avec Tom Hanks? Le film avec Tom Hanks, Terminal. Qui a une stache de naissance. qui... Ça, non. Les bébés. Non, mais pas de souci. Moi, j'ai pris quelque chose qui est sorti le 30 août 2017. Ah, très bien. Vous vous souvenez c'est tout frais? Ouais, c'est tout frais, c'est tout récent. Ça passe encore en salle d'ailleurs, j'ai vérifié hier. Alors que là, vous avez qu'est-ce une idée qui était sorti? Vous étiez encore en France à ce moment-là? Bah oui, non, oui. Non. Quoi? Non, j'étais pas. Ah bon? Non. Ok, d'accord. Ah bah vous allez peut-être avoir du mal à. Bah non, à mais faut que je le devine vraiment. Non, fait, non, bah, non, c'était hein. juste parce que je savais pas comment amorcer le truc. Donc voilà, je c'est commence quoi, comme le ça. Film que vous avez le plus marqué alors? Alors, c'est pas, non, c'est pas du tout le film qui m'a le plus marqué. Mais en fait, c'est. Ouais, non, mais non, mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que les films qui nous avaient vraiment marqué, on en parlait ici. Donc je voyais pas l'intérêt. Bah non, parce que de revenir dessus encore une nouvelle fois. Déjà, de deux choses une. Déjà, vous parliez des films. De deux choses quoi? De deux choses l'une. Ouais, je préfère. De oh merde, non c'est bon. De deux choses l'une, vous ne parliez pas des films qui vous avaient marqué, vous parliez que des films complètement... Faut rigoler ou quoi? Pas terrible. Je parlais de... Et deuxièmement, si... American vous... History X, Snatch, Fight Club, enfin... Tout ce que j'ai vu dernièrement. J'adore quoi. Tout ce que j'ai j'adore découvert. Brad Pitt quoi. Bah oui, évidemment. Et Edward Norton. Non mais allez-y, je vous écoute. En fait, c'était Patty Cakes, ce que vous l'avez vu. Patty Cakes, ouais. C'est ouais. La fille qui fait des gâteaux. Oh putain. Non. C'est la, la fille qui fait du rap. Ah, je croyais... ah oui, la grosse truie violette là. Là-bas, il y a vraiment une grosse truie violette, quoi. Oh là là, mais non, mais Richie, on peut pas se permettre de dire des choses pareilles sur pourquoi les gens. Soyons dans la bienveillance, c'est les 1 an, c'est jour de fête, la, c'est les anniversaires. La fille en surpoids de couleur un peu mauve, quoi. Voilà, ça c'est bon. Vous voyez, comme vous voulez. Non, Patty Cakes, donc film de Jérémy. Je connais énormément de gros, ils ont beaucoup d'humour. Ce qui les caractérise le plus. Oui. Après leur surpoids, bien évidemment. Bien entendu. Film de Jérémy Jasper. Ouais. Vous avez déjà vu des films de Jérémy Jasper? Ça me dit rien comme ça. Ouais, moi non plus. Il a fait quoi? Je sais pas, j'ai pas noté. Non, ça me dit absolument si, rien. Il a dû faire d'autres trucs, mais que j'ai pas noté quoi. D'accord. Voilà. Je crois que c'est un assez jeune réalisateur. Hein. D'accord, bah, c'est peut-être son premier film. Je suis pas sûr. Il aurait été. Je crois qu'il en a fait 17 avant. Bon, peu importe. J'ai pas noté quoi. Non, c'est pas grave. Non, mais il a fait des trucs pas trop. Enfin, voilà, vous n'avez pas noté, mais j'espère que vous avez pianoté sur votre clavier pour m'écrire une bonne chronique. Oh, on vous écoute, Jean-Pierre. Okay, oui. Bon, c'est pas une chronique, c'est un témoignage. Donc, Jérémy Jasper avec Danielle McDonald, donc la personne. L'actrice principale. Exactement, voilà. Ouais, exactement. Bridget Everett et un autre acteur qui est assez cool d'ailleurs qui s'appelle Siddharth Danan Jay. Siddharth, ouais. Mmh. Ouais. Très ouais, bien, ouais. Ouais. Et du coup, c'est un film, comme je le disais, qui est sorti le 30 août tout dernier. Frais, quoi. Là. Ouais, tout frais, vraiment tout récent. Voilà, encore une fois, frais comme un gardon. Alors, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire, Rich? Bah, moi, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, alors, vous parce en avez juste... retenu quoi un petit alors, peu? Alors, c'est une, visiblement une jeune fille exactement. Dans un quartier assez modeste qui a ouais, pour ambition... Même pas, oui, enfin, oui, l'histoire se déroule dans une ville un peu pérave du New Jersey, quoi. Oui, mais ça a pas l'air d'être les beaux quartiers, tout ça. Non, non, on est clairement dans une ville en train de mourir. Voilà, donc, elle est essaye de se lancer, visiblement elle a un rêve, c'est d'être rappeuse, elle veut se lancer dans le rap, percer, elle est accompagnée d'un ami. Exactement. Qui la soutient coûte que coûte. Siddharth Danan Jay en question. Voilà, et visiblement ils vont être mis face à beaucoup de personnes qui vont essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de briser ses rêves, et leur amitié va être plus alors, forte que tout ça, et elle va percer, elle va sortir son EP, quoi. Un feel good movie, quoi. un petit feel good movie à la Eminem, quoi. À la Eminem, en fait, ouais. C'est exactement ça. Alors, c'est pas forcément des personnes qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, mais des en bâtons fait, de berger dans les roues. Dans, ouais. Mais ça... C'est bien celle-là. On la garde. Mais ça va être. Christine. Ok. Parfait. Mais ça va plutôt être en fait le carcan social dans lequel elle se trouve, quoi. C'est-à-dire, voilà, cette petite ville du New Jersey un petit peu pourrie, une vie plutôt misérable où elle enchaîne les boulots un peu. C'est une chronique sociale un peu. C'est un peu une chronique sociale, c'est un peu une chronique, voilà, qui dénonce, qui. Ouais, exactement, ouais. J'ai été déconcentré là. Pardon. Parce que je vous ai passé une canette de bière, voilà, et mon vieux, il faut pas vous déconcentrer comme ça, vous êtes pas prêt d'aller en tous. Hein. Très bien. Alors, du coup, elle est dans une voilà, vie plutôt misérable où elle enchaîne voilà, des boulots. Ah, bah voilà, je vous dis que c'est quartier modeste. Vous me dites, oh non, non, pas tant que ça. Ah si, mais après, je vous dis qu'elle a une vie misérable. Oui, si c'est l'histoire de Rémi sans famille. Non, elle a une vie misérable parce qu'elle doit s'occuper de sa grand-mère qui est malade. Elle doit s'occuper de sa mère qui est alcoolique et qui est justement une ancienne chanteuse ratée en fait. Oui, ça va, ils ont pas trop forcé le trait sur misérabilité. Non, pas du tout. Ça, c'est pas. Merde, c'est pas Precious. C'est pas quoi Precious. Papy Schultz. C'est une grosse. Papa Schultz, le père de Barbara. Papa et le poupa. Non mais Precious, vous voyez pas, c'était une américaine, une afro, qui une était afro. Grosse aussi et la qui avait afro. Et qui avait le genre qui était violée par son beau-père et qui chopait le sida et son assistante sociale c'était Maria Carré dans le film. C'est un vrai film. c'est un vrai film. Oui. Ok, d'accord. Bah là oui, elle a une vie misérable en effet. Je vous dis, elle enchaîne les petits travaux. Vous me laissez terminer un petit peu. Elle enchaîne bah les petits. elle enchaîne les petits boulots pourris. Elle doit s'occuper de sa grand-mère qu'elle adore mais qui est malade. Elle doit s'occuper de sa mère. Donc ce que je disais, une femme alcoolique et une chanteuse ratée et qui en fait représente exactement ce que elle représentera dans 30 ans si justement elle arrive pas si un petit peu à sortir. Si de ce petit bled un petit peu pourri quoi. Si elle est chaude, et du coup un soir en fait ce qu'elle va faire, je ne rebondirai pas là-dessus parce que je n'ai pas entendu. Un soir ce qu'elle va faire c'est qu'elle va participer justement un peu à une battle comme ça de rap sur un parking. Un petit peu Voitech quoi. Exactement, un petit peu Voitech. On en parlera plus tard de Voitech. J'espère. J'adore cette personne. Ah bah j'espère. Et c'est un enfoiré. Pourquoi ? Un homme avec énormément de talent. Oui. Et du coup sur un, voilà, elle gagne une battle et comme ça de rap sur un parking et tout, et c'est là où justement elle se rend compte, elle et son amie, que bah voilà, elle a du niveau, que comparé aux autres, elle est. Qu'elle pèse dans le game, elle écrit bien, exactement, et qu'elle pèse dans le game. Bien ça. Et du coup, c'est un peu l'élément déclencheur du film qui va donner envie bah, de, voilà, de sortir son EP, d'un peu de se propulser, de faire des concerts, etc. Et du coup, elle va avec l'ami dont vous parliez en question, Sinart Janahe, je sais plus c'est quoi son nom dans le film. Son best friend, quoi. Exactement, et un espèce de vieux musicien chelou pseudo, une espèce pardon, de vieux musicien chelou pseudo gothique pseudo muet aussi, un peu space, enfin le mec un peu renfermé sur lui-même, d'accord. Qui est un très bon musicien. Et ben ils vont se lancer justement pour faire cette EP en question. Donc pour c'est deux trois personnalités de sortir très différentes. Quoi. Exactement, bah très différentes. Alors déjà très différentes entre elles, et surtout très différentes par rapport à ce qu'on a un en peu l'habitude de voir dans les feel good movies. Donc c'est-à-dire voilà, la parce que c'est peu... quand même un feel good movie. C'est un feel good movie. Ah, on okay, sort, clairement. on n'est pas déprimé. Ah non, au contraire, c'est le truc qui donne la patate et tout. Alors il y a des moments un petit peu durs dans le film parce que justement elle est confrontée à tous les gens qui la traitent de grosse parce qu'elle s'appelle super, alors ça c'est vraiment ça c'est vraiment plus bactère quoi. Elle s'appelle Patricia Dombrowski dans le film, ouais. aka Patty Cakes, mais Patricia Dombrowski c'est son vrai nom dans le film, ouais. Et du coup tout le monde l'appelle Patricia Dumbo Dombrowski. Ouais, super. Voilà. Alors là, vraiment, c'est, moi je crois que c'est vous qui aviez écrit cette vanne d'ailleurs, c'est à moi l'époque. Qui ai écrit les dialogues, oui. Exactement, mais seulement pour les gens qui se foutent d'elle. Je suis connu dans le monde entier. Ouais, ça va. Oui oui. Pour vos vannes sur les obèses, quoi. Qu'est-ce que vous... Oh. Ce que vous venez de faire. Et vous saviez ce que c'était, ça. Mais c'était... Ah là là. Vous êtes malade. Alors là, pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, non, mais évidemment, en fait, j'avais coincé un bout de radis. Il y avait un truc qui était sur la table, une espèce de petit bout en plastique, il vient de le mettre dans sa bouche, sauf que c'était mon cache-urètre. Votre étui peignin. Le bout de notre étui peignant. Oh là là, j'ai mal à la gorge. Je crois que tu as annulé l'émission. Vous m'étonnez, je l'avais pas lavé en plus. J'ai annulé l'émission. Ah bah non. Oh non, c'est moi qui le regarde vitreux maintenant. Je viens de tousser pendant 20 secondes. Faut que je m'en aille, Jean Bierre. Je suis désolé. Hein. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites ? Je m'en vais. Mais non, mais. Ok. Il est parti. C'est l'anniversaire. Oh non, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui revient. Salut. Bonjour, mamie. Vous allez bien? Bah oui, ça va, écoute. Il va bien, il vient de... Mais oui, il y a Richie qui... Richie qui vient de partir. Oh, bah non, Richie, ouais. Cet enfoiré qui ne me prévient pas quand vous débarquez d'ailleurs. Oui. Il m'a dit passer pour là. Oui, pour, oui. Bah oui pour... Mais je pensais que vous passiez plutôt vers la fin en général. Non, oui, pas pour les 1 an. Quoi, de faire un petit. T'es beau. Hein. D'accord, mais ça me t'es fait très beau. Plaisir de vous voir. Ça faisait... Vous étiez venu pour laquelle t'es déjà beau, toi. Oui, oh, mais je sais bien, merci. J'ai mais moi aussi. Hein. Et oh, faut que je vous dise un truc. Oh, ouais. Le cabanon, hein, bon, je vous le laisse. Hein, bah, oui. Ouais. Oh, je vous le laisse. Ouais, vous me laissez. Moi, me laissez. Je pars en Suisse. Vous, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Bon, au niveau des lois. Voilà, ah, par rapport à la fiscalité ici. Non. Ah, par rapport plus, à. Plus, je peux partir en paix, quoi. Comment ouais, mais je comprends pas. Là-bas, l'euthanasie. Ah, d'accord, ok. Ah, mais vraiment? Oui. Ah, ça y est, vous avez pris votre décision. Tu le diras à Richie. Hein. Ouais, moi, je lui en avais déjà parlé vaguement, ouais. Allez. Ouais, ouais. D'accord, bah, bisous. Très bien. Bah, repassez peut-être à la fin. Oh non, tu lui diras. Mais vous partez quand? Vous partez maintenant? Là, j'ai mon train, là. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais, Jean-Jean, mais j'y vais. Ça marche. Très bien, mais bisous. Ouais, merci. Et bah, merci pour ça, Richie. Salut, mamie. Vous, elle va bien? Bah oui, ça va. Elle part en vacances là. Elle part en vacances, c'est formidable. Ouais, elle reviendra plus tard. De toute façon, elle pense qu'à sa gueule. Hein. Le jour où elle m'invitera en vacances, il pleuvra de la merde. Allez. En tout cas, désolé, hein, j'ai dû un peu glairer oui, dehors, non, mais c'est pas grave. Mais ça m'a fait très plaisir de l'avoir en tout c'est cas. C'est vrai? Ouais, bah on l'avait. C'était quand qu'elle est venue la dernière fois? Je sais plus. Il y a deux trois émissions, trois quatre. Ok, émissions. D'accord. Mais en tout cas, elle est en pleine forme. Là, elle était au top. D'après ce qu'elle m'a dit, vacances, petites vacances en Suisse, et puis, ouais. Puis voilà. Ouais, non, oh, carrément. Bah oui, voilà. Elle aime bien le chocolat. Hein. Petit bain de soleil. Oh oui, oui, oui, non, carrément. Voilà. Donc, on a été où? Pardon, excusez-moi. Bah, vous parliez de votre film. Voilà. Parce que ils ont voilà. Bah, je vais conclure hein, rapidement. Qui l'a traité de Dembo, quoi. Voilà, ça horrible. Donc en fait, voilà, pour terminer, parce que là, on a un peu pitché le truc. Voilà. Mm-hmm. C'est un très bon feel good movie, en effet. Différence qu'on peut voir d'habitude. On en parlait, les personnages. Voilà. Ouais. Donc ouais, le geek un peu chelou, le mec d'origine indienne. Qui se fait chambrer pour ça, par ça. Ah ouais, pour super, il les traite de cheese-nan et tout. Enfin, d'origine indienne, ouais, ou pakistanaise, enfin, voilà quoi. Mm-hmm. Vendeur de rose. Et du coup, la personne, voilà, comme vous l'avez dit, qui est légèrement en surpoids. D'ailleurs, c'est une actrice qui est en train d'éclater en ce moment. Enfin, mais à force vraiment, de grossir. Ah, non, mais, putain, en le disant, je me suis dit, j'aurais pas dit. Au bout d'un moment, c'est le danger, quoi. Et donc voilà, une BO qui est super cool du coup, notamment les musiques originales du film, donc c'est-à-dire celles qui sont produites par le groupe de rap de Patty Cakes, ouais. qui sont bien sympas. D'ailleurs, il y a une intervention de la grand-mère de Patty Cakes sur un des morceaux et qui ressemble étrangement à la voix vraiment de Mamie Bouze. C'est vrai? Ouais. Bah je vous le ferai écouter, on en passera et un bien, extrait pendant l'émission. Quand elle viendra de vacances, je lui demanderai si elle a pas traîné un petit peu. Alors elle va pas revenir tout de suite, hein, Mamie Bouze. Je ah bon pas vous inquiéter. Non, non, mais elle va rester un petit peu, quoi. Ouais. Ouais non, mais elle est libre. Hein. Rien de bien méchant. Donc voilà, ça mélange, comme je disais, plusieurs thématiques, un peu entre les jeunes paumés, l'ennui dans une ville qui est en train de mourir, la réalisation de ses rêves, et puis bah évidemment la musique. Et puis on retrouve un peu l'ambiance de l'Amérique white trash, un peu comme on pouvait retrouver dans American Honey. D'accord. Moi, c'est une ambiance un film que j'aime qui bien. Vous avez beaucoup plu aussi. Que j'ai, voilà, bah, j'avais failli le choisir, mais vu qu'on avait déjà parlé, ça ne servait à rien. Bah, donc, si, parce qu'on peut, je pense que vous auriez pu encore un petit peu améliorer ouais, j'ai pas ce que vous en avez depuis, dit. Hein. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que mon avis change au fur et à mesure, c'est à cause de mon manque de personnalité, mais que mon avis change au fur et à mesure que je discute d'un film avec certaines personnes. Et du coup, là, vu que d'American Honey, j'en ai parlé avec plein de personnes différentes, c'est vrai que mon avis a un peu évolué sur le film. C'est-à-dire des gens qui l'aimaient beaucoup, qui l'aimaient ouais, moins. Des gens qui l'aimaient, des gens qui l'aimaient moins. Et du coup, votre voilà. avis a évolué comment bah, parce que vous étiez très très positif, ouais, je dirais pas dithyrambique. Moi, j'ai quand même, je kiffe toujours, mais après, c'est vrai que je reconnais. Bah, déjà, rien que quand j'ai discuté avec vous, par exemple, bien quand sûr. Vous parliez dans American Honey, du côté un peu filtre Instagram, oui. C'est vrai que sur le coup, bah, enfin, c'est pas que j'avais pas remarqué, mais maintenant, c'est vrai que je trouve ça un petit peu too much. Alors, je l'ai pas revu depuis, mais je pense que ça m'agresserait peut-être un peu plus la ouais. routine que la première fois. D'accord. Voilà, bon, bref, petite parenthèse. Et du coup, pour conclure, je dirais que Patty Cakes, c'est quand même un excellent mélange entre, on va dire, 8 Mites et Coyote ouais. Girl. Ah d'accord, voilà. Très bien. Avec une petite pointe de commencer loin. Et le pari aussi. Et le pari et puis bah, les trois frères quoi. Le 2 évidemment. Évidemment. J'ai pas vu le pari. Bah c'est ils arrêtent la cigarette et ils prennent beaucoup de poids. Mais par contre vous avez pas vu le pari, c'est improbable quand même. Bah j'ai pas vu la totale non plus. Hein. Non mais le pari. Bah le pari pourquoi pour si, notre génération c'était. Par contre j'ai vu le prénom avec Patrick Bruel. Genre bien, pas bien. Hein. Ah non, bah je. Mais moi, il y a énormément de références que j'ai pas, hein, vous savez. Mais le prénom, c'est bien, c'est rigolo. Le prénom, j'ai trouvé ça génial. J'étais c'est pas mal. Un film avec Patrick Bruel, c'est hors de question. En fait, Patrick Bruel, c'est un putain d'acteur. Enfin, je trouve. Ah. On est sûr, là? Ah, non, on me dit dans l'oreillette que non. On m'a dit que juste pour ce film-là, il était bien. Non, non, mais c'est vrai. Non, il est... mais ça va. Bah, en tout cas, il est enfin, moins... moi, je trouve meilleur acteur que chanteur, par oui, exemple. Voilà. Mais c'est pas nous parler du prénom quand même, non, Jean-Pierre. Non, non. Non, c'était juste pour voilà, dire que c'était un souligner que c'était arrêté, fait énormément de bruit. C'était juste pour souligner que c'était un bon film. Voilà, bah c'est ouais, tout. C'est très sympa le prénom. Bon, parlez. Bah ouais, et vous allez nous parler de quoi du coup? Allez-y. Hein. Bah moi, j'ai choisi un film. Vous comment moquez, j'ai... Vous, moquez, vous voulez savoir comment j'ai procédé? Oui. Je note... Mais j'en ai une petite idée. J'ai une petite idée de comment vous procédez. Ah oui, comment? Moi, je dirais que vous allez voir donc énormément de films. Ouais. Donc j'imagine que pour vous en souvenir, vous faites une petite base de données. Pardon ? Une petite base de données. Ouais. Alors. C'est bien, mâchez bien en face du micro, c'est très agréable pour les auditeurs qui nous écoutent. Croyez le cru, moi, c'est que je vais voir une toile, dès que je me fais une toile. Quoi. Vous êtes insupportable. Dès que je me fais une toile, ouais, je prends mon petit carnet à spirale. Ouais. et je note dedans. D'accord. Le film que je viens de voir, le titre seulement. Ok, très bien. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je ne pensais que ça me servait à rien jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Oui, d'ailleurs, pourquoi vous faisiez ça ? Je sais pas. Comme ça, comme un collectionneur. C'est ça, ouais. Collectionneur de vie, collectionneur d'histoire. Collectionneur de souvenirs, j'ai envie de dire. Exactement. Mm-hmm. C'est beau, ça. Hein. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'en ai plein mon frigo. Je suis vraiment un collectionneur de souvenirs. Et donc, et là, il y a une blague. Il y a des pas, films qu'on aime bien. Ouais. Puis trois semaines après, finalement, on a oublié, on s'en fiche. Oui, parce que ça nous a pas marqué tant que ça. Il y avait aussi des films, on était moi pas ça très. Ça fait ça avec les comédies, mais les comédies qu'on vraiment. Comédies qu'on aime. Les comédies qui n'ont pas de message vraiment derrière. Ouais. Vous voyez, alors que par exemple, I Love You Philip Morris, ça m'a marqué. Oui. Voilà. Bah oui. Et The Mask aussi. D'accord. Et donc, en revoyant tous les films. Oh le mépris! Le mépris aussi, c'était ça. Oui, le mépris aussi, c'était un bon film. En regardant tous les films que j'ai vus dans l'année, là, tout de suite, je me disais, oh, celui-là, non. Ouh, celui-là, oui, c'était bien, mais voilà. Mais bof, parce que je cherchais le film qui m'a marqué. Quoi. Vous celui-là... mettez des notes ou pas? Non. Non. Non, quand même pas. Je suis pas le... j'écris avec ma lampe frontale dans le cinéma. Je me suis toujours demandé comment vous avez les critiques cinéma, d'ailleurs. Le second rôle est un petit peu en dessous, hein, dis donc. Oh, la musique oh, insupportable, des trompettes. Bon. Et donc, j'ai passé les films, et quand je suis tombé sur celui-là, je me suis dit, clairement, le film qui m'a le plus marqué allez-y. De cette année, c'est Fences. Oula. Ah. Le film de et avec Denzel Washington. Attends, oula, de et avec Denzel... Ah d'accord, ok, ouais. Qui est adapté de la pièce de théâtre du même nom d'Auguste Wilson. C'est là où il joue un noir. Oui, exactement. Contrairement à Morgan Freeman qui joue... Il joue quoi, le copain de Batman? Un mec à moustache, quoi. Ouais, ouais. Et donc, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, qui avait reçu plusieurs prix. Une pièce, carrément? Oui, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Ah, d'accord, ok, pardon, j'avais pas suivi. Et qui a eu beaucoup de prix en 87, et Denzel Washington, il a joué pendant longtemps cette pièce aussi au théâtre. Ok. Et donc, il avait voulu faire la réalisation des 2013. Ouais. Et il avait même eu, genre, en 2010, un Tony Awards pour sa prestation au théâtre. Donc on imagine que c'est vraiment une œuvre qu'il portait, qu'il connaissait, qu'il avait envie de faire. Quoi. Okay. Et l'histoire, en quelques... vous ne l'avez pas vu, en fait, on est dans les années 50. Non, je ne l'ai pas vu, non. Non. Et donc, il joue un homme de son âge, donc d'une cinquantaine d'années, qui est devenu éboueur pour faire vivre sa famille. Ok, d'accord. Et en fait qui voulait devenir joueur pro de baseball. Okay. Et qui a abandonné justement pour aller d'un peu dans le réel, pour faire vivre sa famille, pour faire chauffer la marmite, etc. Pour faire chauffer la marmite, très bien. Et donc en fait ça se passe presque en huis clos. Ouais. On voit Sper avec sa famille, il arrive, il est très très joyeux, il est très sympa, il revient du boulot avec son copain. Mais du coup il fait quoi comme boulot maintenant? Il est éboueur. Ah oui, pardon, excuse-moi, il est éboueur. Ok, d'accord, très bien. Voilà, mais on se rend compte que c'est un personnage assez sombre et qui a ce regret-là, qui est un peu le regret de sa vie, qui le plombe complètement. Ok. Et son fils, lui, veut devenir joueur de baseball professionnel. Ah. Et son père lui dit, en somme, jamais de la vie. Ouais. Écoute, travaille vraiment, parce qu'on soupçonne ce père que, contrairement où parfois les parents ont envie que les enfants réussissent là où ils ont échoué, là c'est un peu l'inverse. Ouais. Soit que le père a envie de le brimer, de lui dire, mais tu crois que tu vas réussir là où moi j'ai échoué, en fait, quoi. Ah, d'accord. Il refuse à ça. Soit une sorte de jalousie, soit plutôt le père qui veut que le fils garde les pieds sur terre aussi. Ouais. Et donc c'est un peu en huis clos dans l'arrière-cour de cette maison. Okay. Et on voit les problèmes avec sa femme, il y a son frère à lui qui revient de la guerre. Et qui a eu un pet au casque et qui est devenu un petit peu débile. D'accord. Et c'est d'une beauté de jeu. C'est vrai. Ça m'a voilà. J'ai en plus de Washington, j'aime énormément. Je l'ai vu dans des conditions assez pourries. J'étais au Hall dans une salle assez bondée. Je déteste les Halles. Voilà. Bah, on est d'accord. Voilà, c'est juste avec des gens qui faisaient du bordel, les portables qui s'allument. Enfin voilà. Oui, okay. Et pour autant, ce film qui est assez long, je crois. Ouais. Ça m'a retourné. C'est très bouleversé un petit peu. Bouleversé, c'est bouleversé. Magnifique. On suit en fait vraiment cette personne. On a beaucoup, il y a eu beaucoup de mauvaises critiques pour ce film ah ouais en France, pas dans beaucoup dans les autres pays, mais en France. Okay. On a dit c'est du théâtre filmé. parce que ça se passe au même endroit. Ce que j'ai toujours trouvé un petit peu idiot comme critique, parce que bon, le fait que ce soit stable, n'importe quel huis clos, c'est un théâtre filmé. Oui, voilà, de n'importe quel huis clos, c'est un théâtre filmé. Puis Reservoir Dogs, c'est un théâtre filmé. Voilà, exactement. Le prénom, c'est un théâtre filmé. Et puis le Suicide Squad, c'est pas un théâtre filmé. Non, ça c'est de beaucoup, la merde. Mais c'est de la merde. Donc, voilà. Est-ce que c'est le seul argument? Je sais pas. Exactement, on est d'accord. Et donc, Viola Davis, qui joue sa femme, avait eu l'Oscar du meilleur second rôle cette année, et Denzel Washington était nommé également. D'accord. Et sur internet, j'encourage les gens à aller voir sa réaction lorsqu'il apprend qu'il l'a pas, parce qu'en fait Denzel Washington, il sait à ce moment-là que s'il a pas l'Oscar du meilleur acteur, ouais, il l'aura jamais, parce que c'est un rôle, il est à l'écran, ouais, 90% du film, il est top, magistral, quoi. Il donne tout, c'est, enfin, à voir, il est DiCaprio, il est incroyable, quoi. Il y a des scènes où il est hyper violent avec son fils au niveau des mots, hein. D'accord. Mais c'est, voilà, enfin, c'est assez incroyable. Ok. Et donc j'encourage tout le monde à le voir, mais je comprends que ça marche j'ai pas. J'ai envie de pleurer, j'ai l'impression un petit non, peu. Non, mais je pleure même. Mais oui. Vous Fences pleurez, qui veut dire la barrière, je crois. La barrière en slave. Je suis non pas sûr, mais la barrière ou la clôture, enfin bon. Ouais, une notion de et mur, c'est, quoi. C'est magnifique. Enfin, j'ai trouvé ça sublime. Et du coup, ce film-là, quand ouais, j'ai vu sur ma liste, j'ai fait tout de suite Fences, obligé. Direct. Ah oui. Alors que j'imagine qu'il y en avait plein d'autres. Est-ce que vous avez hésité avec un autre, par exemple? J'avais hésité avec d'autres films, oui, j'en avais mis de côté avec Nocturnal Animals, mais on en avait déjà parlé, ouais, aussi. Déjà parlé. Et ça avait aucune commune mesure avec Fences. Avec Fences, ouais. Moi j'avais hésité avec Daniel Blake, oui, mais on en avait déjà aussi un petit peu, ouais, parlé, ouais. Que pareil, j'avais trouvé magnifique aussi. Bah oui. Comme quoi on est vraiment des êtres sensibles, hein. On derrière est des êtres nos jeux de mots pourris, nos blagues et graveleuses. D'ailleurs c'est pas, ouais, c'est pas un film très amusant non plus, mais ouais, je comprends que ça marche pas avec tout le monde, mais si ça marche, enfin c'est, et voilà, il méritait l'Oscar. Je suis allé voir la vidéo de la tête de Denzel Washington quand il la passe, ça vaut le détour, quoi. Oh, il a presque les larmes aux yeux, être... parce qu'il l'a pas eu là, c'est un scandale. Après, enfin, Denzel Washington c'est un immense acteur, il va jouer dans plein d'autres films, il y a, oui, mais si d'autres, vous voulez, possibilités. Ouais, comme j'expliquais, c'est un film, en gros ça va, ouais, faire 10 ans qu'il est sur cette pièce, qui est sur cette histoire, il réalise le film, il joue dedans, il est sur tous, ouais, les plans, vrai, il est incroyable dedans. Voilà, c'est un projet quand même, c'est, il a mis 4 ans à monter le film. Il aura titre posthume. Bah ouais, peut-être, comme peut-être toujours. Mais voilà, mais c'est un acteur, moi, que j'aimais bien, pas plus que ça. Ouais. Mais l'avoir vu dans ce film, okay, donc ouais, vraiment le film de l'année pour moi. Très je vais bien en sortir Fences un loin devant, c'est Fences. Ok. De et avec Denzel Washington. Et ben écoutez, moi je pense que du coup je le regarderai. Mais faut être en forme un petit peu du coup pour le mater, parce que ça a pas l'air guiré-guiré. Non, ça a pas l'air guiré-guiré. Ça a pas l'air guiral-guiral, j'ai envie de dire. Et puis on se souvient de cette très bonne cérémonie des Oscars cette année. Hein. Je crois même pas l'avoir maté. Bah, qui avait quand même donné l'Oscar du meilleur film à La La Land, alors que c'était ah, Moonlight. Ah oui, oui, putain, oui. Ils, ah, avaient mis bon, les ça deux vieux là, c'était Warren Beatty et Faye Dunaway. Oui, mais putain, Warren Beatty qui tire une gueule d'ailleurs à un moment. Ils prennent les deux plus gâteux d'Hollywood pour le Oscar du meilleur film. Par contre, cette scène-là, mais j'ai remetté la deux, la trois fois. Oh, bah, puis ils sont en panique, on sent les vieux, le regard perdu de la sénilité. Mais comment ils sont fait pour se gourer, parce que c'est l'enveloppe en fait, ils se sont trompés, je me souviens non, plus en fait, quoi, je crois qu'il a lu le premier titre des nommés. Au lieu ah, de lire, ouais, voilà, en fait, il a ouvert un tout petit peu l'enveloppe. Ouais. Okay. Et au lieu d'avoir les nommés sons et meilleurs, ouais, films en bas, où j'ai pas commencé foutu, mais. Parce que bon, clairement, tu dois dire un titre de film devant les Oscars, bah, tu sais qu'il faut pas trop te planter, ouais, tu fais un peu gaffe. T'as une enveloppe en plus avec un truc marqué noir sur blanc. Improbable quand même, quoi. Ouais. Et du coup, c'était à la place de La La Land. Moonlight, voilà. Film, très bon film que j'avais vu aussi, qui aurait pu être un film de l'année. Vous, mais vous nous aviez parlé rapidement. Également. Rapidement, très rapidement. Rapidement, mais qui est un très très beau film aussi. Pareil que je n'ai pas encore vu, mais bien, je vous voilà le conseille. Très bien. Et ben écoutez, en tout cas, je vous remercie. Ça me fait très plaisir de voir que ça vous a vraiment touché. Ah bah vraiment. Là, on peut un peu de sincérité. C'est un anniversaire, oh, mais voilà, ça peut aussi être un anniversaire sous le signe de l'émotion. Exactement. Et d'ailleurs, pour se remettre, peut-être une petite pause. Peut-être une petite pause que musicale. Que je vous embrasse et bon anniversaire. Bien. Jean-Pierre et parti. Happy birthday to you. En français. Joyeux anniversaire. En espagnol. Feliz cumpleaños. En tchèque. Hasta luego cumpleaños. Et en espagnol. Feliz cumpleaños. Et pardon, en portugais, je voulais dire. Feliz cumpleaños. Bien joué. Fruit de la station, 10e épisode, les 1 an de un l'émission. Un peu un bilan de l'année, un peu un bilan de la vie, un peu un bilan de l'amour, un peu un bilan de l'amitié surtout entre nous. Est-ce qu'on va continuer cette histoire surtout? Voilà, c'est vrai. Dans la mort, c'était épisode 9. C'est bon, c'est réglé cette affaire. Eh ben non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mon cher Richie. Vous avez une chronique sur la mort qui va arriver dans les prochaines émissions. J'ai pas une chronique sur la mort, mais on va faire une chronique sur une personne décédée. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On avait prévu aussi de choisir la personne de l'année. Comme on a choisi le film qui nous a plus marqué, la personne qui nous a le plus marqué ou plus amusé, ou enfin, mais qui était morte. Le mort de l'année, oui. Oui, le mort de l'année, voilà, c'est ça. Et la personne qui nous a quitté pour aller vers les cieux. Vers les cieux, exactement. Rest in peace. Non, pas les cieux de voiture. Putain, c'était assez drôle. Hein. C'est l'humour. Bah, il y en a aussi des mécaniciens qui nous écoutent. Ah, c'est bien. Pensez à tout le monde. Vous avez un peu ce côté pédant, quoi. Mais non, pas du tout. Genre les travaux manuels, c'est pas bien. Le travaux manuel. Ouais, le travaux manuel. Vous plantez à l'envers, quoi. Le travaux manuel. Pas mal. Le chevaux. Mais non, mais j'ai dit les travaux manuels. Les travaux manuels. Ouais, bah non, écoutez, j'adore ça. Mon voisin du dessus est en train de refaire le plat de tout son appart, on l'entend depuis tout à l'heure. De tout son cœur aussi. De tout son cœur, le cœur à l'ouvrage, ouais. Très bien, bah écoutez. Bah, allez-y, commencez. Hein. Quel est le mort ou la morte, peut-être? Eh bah écoutez, moi, mon cher Richie, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai choisi une femme, en effet. Bah pour une femme qui était pour moi une femme vraiment immense qui m'a beaucoup marqué. Une basketteuse Non, immense par sa personne et par sa bonté surtout. Et je suis sérieux là, hein, qui m'a vraiment beaucoup. Je sais que vous êtes pas sérieux du tout. Dans notre cas, ça, mais allez-y. Hein. Avec la pauvre meuf. Donc, c'était vraiment une femme raffinée, on peut dire même une artiste. J'ai essayé de trouver qui c'est. Allez-y, vous pouvez essayer de. Donc c'est une personne absolument pas raffinée. si, c'est une personne. Ah si, par contre, c'est continue. Extrêmement raffinée qui brille. Aussi bien bah, par les récents discours qu'elle a tenus il y a peu que par sa générosité envers ses proches. C'est vraiment une grande femme qui était balance, tout comme moi. Ah, c'est pour ça que je tenais un peu aussi à le préciser. C'est une femme qui est née dans un petit quartier populaire de Paris, dans le 7e arrondissement. Ouais. Ouais. Ouais, moyennement. Cette femme... Allez-y, dites, parce que là, on c'est Liliane Bettencourt. Ah, oh, mais oui, mais elle est toute fraîche, mais elle est encore chaude, Lili. Ah, elle avait un très gros zizi, Lili. Elle arrivait du 7e arrondissement, Lili. Et donc, c'est voilà, une personne vraiment qui m'a marqué. Donc, Liliane, c'est une femme incroyable. C'est une femme qui a commencé à travailler dès son plus jeune âge. À 14 ans, à peine, elle intègre la PME, la petite PME familiale, qui était à l'époque dirigée par son père. Et qui s'appelait encore Société Française de Teinture Inoffensive pour Cheveux. Véridique. Ah oui. Oui, voilà. Vous savez que ses parents, ils s'appelaient Albert non, et Laure. Eugène. Non, Laure et Albert, ils ont donné Laure et Al. Non, c'est absolument faux. Allez. Oui, son père s'appelait Eugène. Eugène Schweller, je crois. Donc voilà, Liliane, bah, dans son entreprise, dans l'entreprise de la famille, elle commence tout d'abord comme stagiaire. Donc elle doit remplir les tâches ingrates, telles que préparer le café, faire les photocopies, aller chercher le courrier, encore nettoyer les crottes laissées sur la moquette par le pitbull de son papa adoré. Quoi. Ou par son père lui-même, qui a été très incandescent. Prenez feu, il faisait caca partout. La torche humaine qui se torchait pas. C'était la spécialité. Arrêtez, vous pouvez pas dire ça. C'était la spécialité. Il prenait le feu et il se faisait caca dessus. C'était impressionnant dans les bureaux. Il avait un bureau vraiment au dernier étage où personne pouvait voir. Quoi. C'est ça, exactement. Il y a toujours un extincteur en proximité. La fumée sentait fort. Et un pompier, oui, clairement. Comme ça qu'il faisait la teinture pour les cheveux, d'ailleurs. La teinture inoffensive. Et donc voilà. Et puis elle raconte d'ailleurs tout ça, toute cette vie de misère dans sa biographie. Exactement, cette vie de bohème. Vous allez voir après pour la vie de bohème. Dans sa biographie qui s'intitule Le bonheur ne fait pas l'argent. Mais Liliane, elle s'en fiche de tout ça parce que Liliane, elle sait que c'est en travaillant ardemment qu'elle obtiendra la reconnaissance de son père et la reconnaissance de ses pères. En mettant les mains dans le cambouis un peu. Exactement, et en y allant quoi. Vraiment. Allant. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. C'est ce qu'elle fait. Elle travaille dur, elle gravit les échelons petit à petit. De stagiaire, elle passe à stagiaire +++ et puis de stagiaire +++, elle passe à stagiaire senior. Et elle occupera ainsi ses différents postes pendant Quand même. Donc, faut le préciser. Et elle occupe du coup ses différents postes pendant les 17 premières années de sa vie quoi. Ah oui, donc c'est quand même une personne. personne qui de en sa veut. Carrière, pardon, de sa carrière. Une jeune qui n'en veut, quoi. Voilà, c'est ça, exactement, qui croche dedans, comme ouais. on peut le dire. Et c'est à ce moment que, du coup, voilà, au cours de ces 17 années qui sont vraiment difficiles pour elle, qu'elle se rend compte de la difficulté d'avancer dans ce monde d'hommes blancs, quinquagénaires. Ouais. Voilà, cette jeune hispanique des quartiers. Qui... Exactement, ouais. Et c'est, c'est alors que décède dans des conditions mystérieuses son père Eugène, justement. La présidence de l'entreprise, voilà, exactement. La flambée de trop, quoi. La flambée de trop. C'est comme avec un barbecue, on fait la flambée de trop, ça pète par le bas. Et puis le berceau qu'on avait laissé en dessous là, pour qu'il soit bien au chaud, là, c'est fini pour le bébé, quoi. Oh, c'est tellement précis que ça sent le vécu, c'est une horreur. C'est arrivé à mes parents. Ouais, pas petit frère. Frère jumeau. Richie Burn. Lionel Richie. Prénom composé Lionel Richie. Très bien. Du coup, son père décède, donc la présidence de l'entreprise, évidemment. Est vacante. Oui, et puis lui est naturellement proposé. Mais Liliane, encore une fois, dans sa grande humilité, et c'est ça qui est impressionnant chez cette femme, elle refuse. Sa grande humilité aussi, on en parlera plus tard, vous allez voir. Ouais. Et par souci également d'approfondir son expertise dans les capsules Nespresso décaféinées. Ah bon? Oui, comme elle fait énormément le café, elle commence à maîtriser un petit peu le domaine. Bien sûr. Elle refuse le poste et qui, par un heureux concours de circonstances, arrive à son époux, André Bettencourt. Dédé. Personne issue de la classe ouvrière yougoslave, né d'un père mécanicien, on en parlait tout à l'heure, et d'une mère toiletteuse pour chien non-voyant. Dédé, quoi. Dédé Bête. Dédé, exactement, Dédé Bête. C'est son pseudo sur coco.fr, la plupart du le temps. Bon Dédé. Le bon Dédé. Donc ensemble, Liliane et André, ils mènent une vie de bohème et partagent leur temps libre entre vacances dans le Larzac et chantier associatif en Meurthe-et-Moselle. Quoi. Oui, un classique, j'ai envie de dire, la vie pour des gens comme Luma. Exactement. Malheureusement, et ça c'est affreux quoi. Oh. Ce bonheur fait d'amour et d'eau fraîche prend fin en 2007 lorsqu'André, jusque là en bonne santé, décède brusquement dans des conditions prend feu également. Voilà. Décidément La combustion spontanée dans la famille c'est pas de bol. Et c'est dans ce contexte tragique que Liliane se résout enfin à prendre la tête du groupe rebaptisé alors L'Oréal, dont le siège rebaptisé L'Oréal, dont le siège se situe à Madrid, un peu contre son gré quoi. Oui, exactement. L'Oréal voilà, de ça. Madrid. J'ai noté pause. Et je vous ai un peu cassé votre pause, votre effet. Mais L'Oréal de Madrid, voilà. Écoutez, Jean-Pierre. Ah, bah écoutez. Hein, c'est excellent. Ça mange pas de pain. Pause aux amis footballeurs. Hein. Après, qui ont. Neymar, vous avez vu, transfert. Dis donc, c'est cher. Hein. On peut s'en acheter des barbecues avec ça. Ah bah, et des berceaux aussi. Et des merguez. Oh. Les fêtes de Lima, allez-y, elles sont pas chères. Et du coup, dans la même année, donc en 2007, après le déchet, le déchet tragique de son mari, Liliane va se rapprocher d'un de ses plus fidèles amis, l'artiste François-Marie Bagné. Donc Liliane, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait un très grand... Ah non, j'ai déjà elle fait le ça. Prend, oui. Elle le prend sous son aile, pardon. Ah oui. Et puis, encore une fois, dans sa grande générosité, elle le dépanne de quelques piécettes quand celui-ci en a besoin. On peut revenir là-dessus ou pas? Oui, allez-y. L'affaire Barnier, Bagné. Oui, sur l'affaire Jean-Marie Bagné. Quand même. Tout le monde disait, oui, vas-y. François-Marie, pardon. Jean-Marie Barnier. C'est pas lui qui claque-connec. Je vois les deux. Attends, il avait pas rien fermé un œil. Richie, rien à dire. Laurent Gérard, du Poitou. Quoi. Et donc, non, il est de l'un, je crois, Laurent Gérard. Je sais pas. Ouais. Mais le Poitou, c'est très bien aussi. Le Poitou. Vous me parlez souvent du Poitou, j'ai remarqué récemment. Bah oui, c'était l'anniversaire de Ségolène Royal hier. C'est vrai? Oh, Ségo. 84 ans. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tout le monde disait que Jean-Marie Le Pen Bagné lui prenait tout son argent et tout. Ouais. Et elle disait juste, non, mais je m'en fiche, je lui donne ce que je veux, laissez-moi tranquille. Mais il faut savoir ce qu'elle lui donnait, proportionnellement, c'est comme si moi je vous donnais 10 euros quoi. Vous allez me donner 10 euros? Non. Ah. Mais oui, non, mais c'est exactement ça. Et puis lui, le pauvre, c'était un petit intermittent des bas-fonds, des quartiers. Un petit intermittent des quartiers. Un petit intermittent des familles, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un peu normal. Crachez pas. C'est un petit peu normal qu'elle l'aide aussi. Et alors, ce qui se passe, c'est que la grande générosité. Oh non, c'est insupportable ça. Allez-y. Ah, excusez-moi, j'ai des glaires. Glaires cervicales. Vous êtes de retour. La grande générosité donc, de cette dame, qui est alors âgée quand même à l'époque. Elle est déjà un peu vieille. Elle commence à taquiner elle se un fait, petit peu. Cette générosité, oui, un petit peu. Ouais. Cette générosité se fait entendre un petit peu partout et arrive jusqu'aux oreilles d'un certain Nicolas S. Je voulais pas donner le nom de Nicolas famille. Nicolas Sirkis, mais bon, on a reconnu quand même. Un film, quoi. Et du coup, qui va se rapprocher rapidement de Madame Bettencourt. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a écrit « J'ai demandé à ta lune ». Exactement. Et alors, c'est toujours que... Dans un souci de bienveillance et puis d'engagement. On est toujours dans le respect de l'être humain aussi. Voilà, dans la bienveillance, dans le respect de l'être humain et puis là aussi d'engagement politico-social. Lily, comme on l'appelait dans le milieu de la prostitution hongroise en 1935 à peu près, décide de financer la bave aux lèvres et puis encore toute tremblante, la campagne de son nouveau meilleur ami Nicolas. Toute fumante. Voilà, oui. Nicolas. Donc, ça doit être en ce moment là. Crématorium pour Lily, la pauvre, reste in peace quoi. Bon, J'ai eu un truc sur internet. Comme du petit bois, ça, hein. C'est bien sec. Oui, ça doit flamber. Et là, coup, c'est le bois de cagette, ça. Ouais, c'est le bois de cagette. J'ai lu un truc très drôle sur Twitter, c'était marqué Liane Bettencourt est morte. Rib. C'est très drôle. Donc cette amitié naissante entre Nicolas et Lily font très vite des envieux et c'est ainsi que des ragots, injures et autres médisances vont commencer à fuser autour de ces deux amoureux de la politique et des affaires Mais ça c'est les gens, ils sont toujours obligés de raconter des racontards. Exactement, voilà, des racontards. On ira même, alors ça je trouve ça vraiment horrible. Allez, on remettra la musique. Hein. Bien sûr. On ira même, alors ça je trouve ça mais malsain au possible, jusqu'à soupçonner les facultés cognitives de Liane Bettencourt en disant qu'elles sont altérées. Non. Ça c'est et d'ailleurs, c'est par ce biais perfide que sa fille, Françoise Bettencourt-Meyers, la mettra sous tutelle en 2012, la privant ainsi de toute richesse. La pauvre comme dame. Comme un pauvre pied de tomate. Quoi. De toute richesse, mais c'est insupportable. S'ensuit évidemment une descente aux enfers pour Liliane, qui oscillera entre démence sénile, délirium très mince et fuites urinaires. C'est souvent ça, on est aussi un peu, on sait pas quoi choisir. Les trois vont ensemble. On sait pas quoi choisir. Et elle terminera sa vie tristement dans un petit 20 mètres carrés, loi Caraison, de Neuilly-sur-Seine. C'est moche. Et d'après l'AFP, ses dernières paroles auraient été « J'aurais mieux fait de faire confiance à François. » Et elle s'en est allée, comme son père, comme le pitbull de son père, pardon, quelques années auparavant. Le pitbull de son père, d'accord. Ouais, bah, qui est décédé depuis, après qu'il ait fait caca dans toutes les moquettes de L'Oréal. Il est parti. Voilà. Le Real de Madrid, exactement. Donc voilà, j'avais envie de faire un hommage à cette brave dame. C'était très touchant. Bah, j'espère en tout cas. Donc rest in peace, Lily. Bravo, et puis, c'est encore tout frais. Donc excusez-moi si j'étais un petit peu en retrait, c'est que l'émotion était encore assez importante. C'est normal, je comprends. Et je pense que c'est une personne qu'il faut traiter avec respect parce que. Ça dépouille surtout. Comme l'a chanté Daniel Balavoine, il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Elle est morte aussi, Daniel Balavoine. Elle est morte, ouais. C'est un homme, non? Oui, dans l'hélicoptère, merde, je suis con. Il est mort. Bah, je pense qu'il est mort un peu à côté de l'hélicoptère. Du coup, il a dû être expulsé. Ouais, bah pas sûr. Il a dû agoniser un petit peu dans le sable quand même. Ouais, mais bon, on referait une chronique sur Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, ouais. Cette grande chanteuse. Oui, voilà, Daniel de Zelleux. Bah écoutez, c'était très beau. Je vous remercie. C'était sincère en tout cas. Est-ce que vous voulez partager un petit moment? Moi, j'ai un mort, mais j'étais vraiment sur quelqu'un qui m'a touché, quoi. Allez-y. Pour vous raconter un peu la petite histoire, je voulais en parler lors de l'émission 5. Avec Eugène Balek à Nantes. Est-ce que c'était le moment? Si ça vous a vraiment touché, je ne pense pas. Non, le moment s'est pas présenté. J'avais préparé plein de choses et en effet, le moment, l'ambiance, c'était pas propice au recueillement. En effet. Bah, les auditeurs la réécouteront. Hein, ils nous diront ce qu'ils en pensent, mais en effet. Et tout simplement, je vais parler d'une personne qui est morte le 11 février, donc en début d'année à Tokyo. 11 février, en début d'année à Tokyo. Qui est Jiro Taniguchi. Ah oui. L'auteur de manga qui était né en 1947. Qui a fait Kenshin. Le vagabond. Et donc, moi, je l'aimais beaucoup. Ouais. J'adorais son travail. Il a traité plein de thématiques les plus variées qu'on puisse connaître. Telles que... Parce que c'est large, là, du coup. Non, mais je veux dire, il a fait des choses un peu sur le polar. Il a fait des choses un peu plus érotiques. Et moi, j'aimais beaucoup pour son traitement de la nature, des animaux, de la promenade, de la famille, de l'enfance. De la chasse, un peu? Non, bah, justement, c'est plus de... Il a fait en particulier L'homme qui marche. Qui est simplement un manga sur un mec qui marche. Quoi. Ah, c'est bien ça. Non, mais justement, on dit comme ça, on se dit, mais... Ouais, c'est un collège en termes de scénar. C'est un collège en termes de scénar, mais justement, la narration... Parce qu'en bande dessinée ou en manga, finalement, l'histoire, on s'en fiche. Ouais, le dessin, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est la narration. C'est comment le dessin et l'histoire s'accordent. On s'en fichait du dessin en manga, quand même. Mais si, parce qu'en fait, le dessin seul n'a pas d'importance, le texte seul n'a pas d'importance. La preuve, quand il y a eu la BD, mais ça compte, quoi, quand même. Sans dessin, c'est Navo qui a fait. Ouais, Navo qui a fait la BD, pas la dessinée. Preuve, c'était très drôle. C'était voilà, c'est-à-dire que le texte. Oui. Et on peut très bien faire que des dessins sans texte, et ça peut être une BD aussi. C'est-à-dire que ni le texte ni le dessin n'ont d'importance. Ce qui compte, c'est la narration. C'est comment les deux s'accordent et qu'est-ce qu'on raconte avec ça. Je trouve que ça compte quand même. Mais qu'on non, peut mais s'en dire, ça d'un ne compte des pas deux. Seul. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Okay. Compte, en soi, on s'en fout. Du dessin. C'est-à-dire qu'il y a plein de BD qui sont magnifiquement dessinés, puis on les regarde et on fait bon, ok, super. C'est okay. bien, c'est joli. Ok, mais... ok, ok. Enfin, moi, c'est mais mon très bon exemple, le BDP dessiné de Navo, je suis fan. Et donc, il était considéré un peu comme très européen dans sa façon de faire parce que, bah, il, justement, c'est un peu... un peu contemplatif, on n'est pas dans le manga hyper beaucoup d'action, etc. C'est assez différent. D'accord. Et donc, moi, j'ai découvert en lisant un roman qui est son plus grand succès, le plus connu en France, qui est Quartier Lointain. Quartier Lointain, ok. Qui est une histoire. C'est quoi le titre original ? Ah, je sais pas. Ok. Quartier Lointain. Super. Super. C'est tout ce que j'attendais. Hein. Ni plus ni moins. Voilà, parfait. C'est là pour vous, Jean-Pierre. Ah bah, je le donc, sais. Dans cette histoire, on raconte un homme qui est ivre mort un lendemain de cuite. D'accord. Pas pour rentrer chez lui ou aller au travail, je sais plus exactement, ça n'a pas trop d'importance. Ouais. Il se met dans un train. Ouais. Et en fait, il s'endort. Ouais. Et en sortant du train, il se rend compte que ce train est arrivé dans le village, enfin au village dans lequel il a grandi. Ok. Et en descendant de ce train, il se dit bon, j'ai en profité pour aller sur la tombe de mon père, j'ai en profité pour aller voir la maison. Se recueillir. Voilà, se recueillir en fait. Tout d'un coup, en rentrant dans sa maison, il entend sa mère qui lui dit « À table !» Oula. En fait, il se retrouve quand il avait 10 ans. Petit voyage dans le... Ah, voilà. D'accord, il avait... Mais avec sa mentalité actuelle, simplement, il est dans son corps. Alors, on imagine ce qu'on aurait envie de faire, d'accomplir, si on se retrouvait à l'âge de notre jeunesse, tout d'un coup... Ça serait terrible. Notre mère qui nous... Voilà, donc c'est très émouvant, c'est très beau. D'accord. Et il fait des plans complets, voilà, pareil, dans L'Homme qui marche ou dans Quartier Lointain, sur... Dans L'Homme qui marche, par exemple, il y a des plans sur du vent. Du vent dans les feuilles, lui qui regarde les vents. Et comme vous dites, ça a l'air très contemplatif. Quand c'est même. Très contemplatif, mais c'est très beau. Il y a énormément d'auteurs, même français, qui se sont inspirés de ça. Manu Larsenet, que ce soit quand il a fait Blast, parfois, une BD pareil que je conseille. Que je conseille plus que tout. Et donc j'avais vu une exposition qui donc était à Angoulême, qui s'appelait Taniguchi, L'Homme qui rêve. Ok. Et qui avait bougé en France un peu partout. Et donc bah voilà, juste c'est un des morts cette année qui m'a le plus touché. Oh. Et donc je conseille à ceux qui connaissent d'aller voir tout ce qu'il a fait, et ceux qui le connaissent pas évidemment d'aller lire Quartier Lointain, L'Homme qui marche ou tout ce qu'il a fait, parce que c'est d'une beauté sans nom. Sans nom. Voilà. D'accord, très bien. Bah écoutez, je prends note parce que je ne connaissais absolument pas. Donc et merci bien, encore pour cette découverte. Je pourrais vous en prêter même si vous voulez. Oh là là, bah ça serait mais avec par contre, plaisir. Oui. Faites attention parce que je sais que vous cornez les pages et puis vous mangez les chips avec. Et l'autre fois, je vous avais prêté quand même mon livret de famille. Ouais, votre carnet de santé. Carnet de santé. J'ai retrouvé des taches de gras dessus, des taches. Ouais, parce qu'il y avait des photos. La courbe de croissance. Très belle cette courbe de croissance. Courbe de croissance quand même, ça c'est pas dégueu. Hein. Jamais de mal. En tout cas, très bien, merci beaucoup. Je vois que vous êtes énormément dans l'émotion. Parce que, écoutez, c'est un anniversaire. Mais, c'est énorme. Mais oui, je vois ça, vous avez les larmes aux yeux, ça me touche énormément. Je pleure pas, moi. Ouais. Peut-être. Je suis pas un très bien, mais écoutez, parfait. Bon, petite pause encore, il faut que je me remette. Hein. Allez, faut que je vraiment que j'expulse tout ça. Ça marche, allez. Bisous, bisous. Bisous les loulous. On va se reposer. Spinner. Ah bon. C'est ça le truc après. Bah, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah vous en avez. Vous parce que il faut savoir que Richie en avait acheté énormément et oui. Vous aviez lancé en fait, votre magazine. C'était un ancien dignitaire nazi, Hans Spinner. Et du coup je vais honnêtement arrêter quoi. Hans Spinner. Dégoûté quoi. Bah oui, normal. En plus, vous aviez fait tout un stock. Les faits se sont déroulés à Storm en Allemagne. Okay, un homme a introduit son pénis dans le trou de son halter. 2,5 kilos. L'halter, pas le pénis. Mais n'est pas parvenu à le retirer. Honteux, il a été obligé de se rendre aux urgences, sauf que le personnel hospitalier n'est pas parvenu à enlever l'appareil de musculation et a été contraint d'appeler les pompiers. Ces derniers sont parvenus avec l'aide d'un Trenchleifer. Je ne sais pas. C'est comme un spinner. Une scie à vibration et assistance hydraulique. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Ouais. A retiré l'halter au bout de 3 heures d'intervention. D'accord. Et dans le respect de l'égalité des sexes, début juillet, aux États-Unis, une serveuse s'est introduite une saucisse dans le vagin avec la, avant de la recouvrir de ketchup pour la, service au, pour la servir aux clients. Voilà deux anecdotes pour nous un an. J'espère qu'elles vous ont plu, Jean-Pierre. Ça vous a plu ? Ah bah merci beaucoup, j'ai pas trop compris ce qui nous arrivait là. Mais ah, c'était sans transition, c'était un peu brutal peut-être ? D'accord, oui, légèrement. Mais c'est dans l'esprit Jiro Taniguchi. Très bien, bah c'est contemplatif aussi le coup de la ketchup dans la, dans la schneck. Quoi. Saucisse. La saucisse au ketchup. Dans la... Ouais. Mais bon, je comprends pas pour la servir aux clients. Bah en fait, si vous voulez, c'est une serveuse. Elle est en cuisine. Ça, okay. Un mec qui prend une saucisse frite. Ouais. Elle dit la saucisse, hop, fous dans la schneck, je la remets dans l'assiette et puis je la sers aux clients. Quoi. Ok, d'accord. Sauf qu'il y a des caméras de surveillance. Ah la vache. Donc, je sais pas si elle faisait ça tout le temps. Donc, l'autre jour, on mangeait une saucisse, vous vous souvenez Oui, oui. Et vous dites la saucisse, elle a vachement goût. De lapin. Et bah, je me demande si c'est pas ça. Quoi. Ça fait penser à ça quoi. Ok d'accord. C'était où que ça s'est passé? C'était aux États-Unis. Oh merde. C'est toujours aux États-Unis. Ouais, mais c'est toujours aux États-Unis. Il n'y a pas trop à chercher. C'est toujours aux États-Unis. Alors moi je voulais parler un petit peu. Est-ce que bah, vous vous souvenez du 7 octobre dernier? Ouais. Notre premier enregistrement de... Oui, FDLS. FDLS number one, quoi. Bon, celle-là va peut-être pas sortir le 7 octobre, peut-être un peu plus tard. Non, non, mais c'est pas très grave. Au mois d'octobre. Mais il faut savoir que le 7 octobre dernier, on enregistrait pour la première fois donc le 7 octobre. La légende naissait. La légende naissait, exactement. Vous êtes sûr vraiment là de la date ? Non, de votre chronique, quoi. Ah, mais c'est pas vraiment une chronique, mais bah, c'était si juste c'est pour quoi revenir. Oh là, sur un autre ton, Richie. Hein. Bah, sur un autre ton, quoi, je fais ce que je veux. Ouais. Hein. Autre chose très drôle que j'ai vu sur Twitter, c'était un père qui disait à son enfant: tu parles pas à ta mère sur ce ton là, et l'enfant était debout sur un ton. Voilà, ça m'a fait rire. Oh, je trouvais ça pas mal. C'est de la blague visuelle après, mais bon, c'est Twitter, hein, faut savoir s'amuser quoi. Donc déjà le 7 octobre, je crois qu'il était debout sur sa mère et que c'était un gros ton. Ça aurait été drôle. Il était debout sur Christine Boutin, je crois. Arrêtez avec Christine Boutin. C'est vrai, je sais que vous l'aimez elle bien. Elle a fait de grandes choses. Oui, telles que bah plein de choses pour elle partir. Était pas serveuse dans un snack aux États-Unis. Elle vendait des haltères. Alter Habit. Rien à voir avec Roger. Alter Terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai moi. Mm-hmm. Donc déjà le 7 octobre 2016, Donald Trump n'était pas c'était notre parrain encore élu président des États-Unis, mais c'était déjà notre parrain ouais pour la première émission. Voilà, là on avait eu le nez creux là-dessus. Hein. Putain. Bah oui. On s'est pas loupé. On fêtait les Serges. Il avait dit qu'il allait gagner. Oui, mais il l'a toujours dit. Mais il le dit souvent quand même. Hein. Mais il a gagné là ou pas? Oui. Je suis pas trop la politique internationale. Non, mais enfin, c'est indécis encore. Ah ouais. Ouais, ouais. Ils savent pas trop, je crois. Ok. C'est soit lui, soit Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est au choix. On fêtait les Serge. Ouais, Serge Dassault. Serge Gainsbourg. Serge Klarsfeld. Serge Lama. Serge Lama. Bah, Bernard Lama. Ok. Bernard Lama et Bianca. Non, allez. Très bien. Et alors, du coup, je me suis renseigné. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant qu'on enregistrait notre émission le 7 octobre dernier? Genre, il s'est passé des trucs de fou. Il s'est passé des trucs de malade. Mais vraiment quoi. Mais on les a entendus ou pas? De quoi? Au micro. Comment ça? Quand on enregistrait. Oui, bah quoi? Bah, ce qui se passait. Bah non, parce que c'était. C'était loin. Vous êtes bête. Hein. C'était pas loin. Hey, je fais ce que je peux, ok. Chacun son rythme. Oui, c'est vrai, pardon, autant pour moi. Donc, alors, Morandini rejoignait iTélé. Pas de réaction là-dessus ? Bah, si. Ok, c'est-à-dire ? Bah, c'est une super réaction. Voilà, très bien, parfait. Alain Juppé rejoignait iTélé. Non. C'était sur France O ? Sur France 2. Ouais. Voilà, c'est quand même. Ah, mais c'est mal. Vraiment des faits genre mondialement importants. Je les prends un petit peu dans le désordre. D'accord. L'ouragan Matthew en Haïti. 450 morts. Ça, c'est moins drôle, par contre. Mais est-ce que c'était lié à l'émission ? Non. Non, je pense pas. Non, parce qu'on avait ouvert la fenêtre à un moment, mais je pense pas que ça ait déclenché. Vous avez largué une caisse. Ah, c'est l'effet papillon, vous savez. Hein. Ça arrive. Ouais. La France gagnait un match de foot contre la Bulgarie pendant qu'on enregistrait. Ça c'est quand même fou. Et les FARC rentraient en discussion avec le gouvernement colombien. Bah, d'ailleurs, Lionel Bettencourt qui était. T'es quand même emprisonné, vous l'avez pas mentionné. Mais bon, non, j'ai enlevé ça de sa biographie parce que c'était trop chargé sinon. Quand même resté longtemps avec eux, donc c'était quand même un moment important de sa vie. Je suis trop con, j'aurais dû le mettre. Un entraîneur norvégien voulait demander du sperme de Zlatan Ibrahimovic pour créer une équipe de foot imbattable. Non mais n'importe quoi, il les mettait dans sa femme le sperme. Bah non, mais après bah non, mais tu fais des banques de et sperme. Et genre, vous pensez qu'il était en non, mode vous faites des banques de sperme et puis après toutes les femmes qui se font féconder par le sperme de Zlatan. Et lui il intervient dans le truc, prends celui-là et tu me donnes le bébé, après il fera du foot. Bah après bah ça je sais pas trop comment il voulait. Peut-être qu'il était sur le bord du terrain. Moi je lis juste les phrases de des articles, je sais pas trop et comment il voulait faire. Zlatan. Non, c'était un entraîneur hein. Attends, Jute. Jute par là avec son tupperware quoi. Avec son j'ai un plan d'équipe, t'inquiète. Laisse-toi faire, je te dirai plus tard. Merci, parfait. Voilà, c'est cool. Non, mais c'est impossible à mettre en place. Bah, je sais pas, après, je vous dis, moi j'ai pas plus de détails que ça. Hein. Je suis pas journaliste, hein, vous savez. Non, moi, un peu moi, quand je même. Je lis des trucs au hasard dans le graphique et puis je les mentionne. J'ai une petite plume, quoi, mais. Une petite plume, rien de comme ça qu'on l'appelle. L'économiste Jean-Pascal Gaillon expliquait que les JO, si Paris gagnait les JO, donc tout ça le 7 octobre 2016. Toujours, que si Paris gagnait les JO en 2024, ça serait un coup de massue qui ferait plonger l'économie française vers la crise économique. Mmh. C'est bah fou c'est ça. Peut-être hein. qu'il a raison, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il a raison. Mais on a gagné les JO. JPG, on verra s'il a raison après. Mais c'est vrai. Donc voilà, c'est tous les faits importants qui se sont et passés. Et comme quoi, vous imaginez tout ce qui peut se passer dans le monde. Ouais. Et surtout là, pendant qu'on enregistre là, il se passe un truc de malade. Il y a un mec qui veut récupérer le sperme de Ribéry pour faire une équipe de mannequins quoi. Ça on sait pas, ça on sait pas. L'entraîneur belge je crois. Jute ici. Jute ici dans de Dieu. On s'excuse auprès de nos auditeurs belges. On est écouté en Belgique vous savez. On est écouté en Suisse, on est écouté en Belgique. À Molenbeek principalement. Et au Luxembourg. Luxembourg ouais. Ta mère, voilà, allez c'est tout ce que j'avais. Très bien. On va écouter Jean-Pierre. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous propose de vous embrasser très fort. Ah oui, c'était un très bel anniversaire. Ah oui, merci pour le gâteau. À la crème. J'ai ici Jean Moulin. Mais non, mais bon, bisous tout le monde. Bisous les auditeurs, à très bientôt. À très bientôt pour la prochaine. Oh, salut.